Alors que la passion de Jane pour Mr. Rochester ne fait que grandir, Mrs. Reed, mourante, la fait venir à son chevet à Gateshead. Elle lui avoue son secret. Il y a plusieurs années, elle avait reçu une lettre d'un certain John Eyre, oncle de Jane, qui, après avoir fait fortune à Madère, souhaitait adopter sa nièce afin de lui léguer ses biens après sa mort. Jane pardonne à sa tante de lui avoir gâché cette opportunité et rentre à Thornfield pour y retrouver son cher maître, qui dévoile enfin son jeu et la demande en mariage. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Mon cher oncle. Septième épisode. Je viens d'apprendre que vous avez cherché à me retrouver il y a quelques années, et je vous en remercie. Contrairement à ce que Mrs. Reed vous a écrit, j'ai survécu à l'institution Lowood, et je suis devenue institutrice. Je suis heureuse de vous annoncer mes fiançailles avec Mr. Edward Fairfax de Rochester, de Thornfield Hall. J'espère que nous pourrons nous rencontrer un jour. Jane Eyre. Les mois de fiançailles touchaient à leur fin. Quelques heures seulement me séparaient du grand jour, du jour des noces. Tous mes préparatifs étaient achevés. Je n'avais plus rien à faire. Mes malles étaient là, emballées, fermées, cordées, rangées en ligne contre le mur de ma petite chambre. Demain, à cette heure-ci, elles seraient en route pour Londres. Et moi aussi. Ou plutôt non, pas moi. Mais une certaine Jane Rochester, une inconnue. Mais que se passe-t-il, Janet? Pourquoi êtes-vous dehors en train de m'attendre à cette heure tardive? Est-il rien arrivé de fâcheux? Non, mais il me semblait que vous n'arriveriez jamais. Je ne pouvais me résoudre à vous attendre dans la maison, surtout avec cette tempête. Il pleut en effet. Vous êtes trempé comme une sirène. Enveloppez-vous dans mon manteau, Jane. Qu'est-il donc arrivé, je vous prie? Rien, monsieur. Je n'ai plus ni peur ni chagrin. Vous aviez donc de la peine, de l'inquiétude? Oui, un peu. Je vous raconterai et je parie que vous vous moquerez de moi. Demain, je me moquerai peut-être, mais pas avant. Je ne suis pas assez sûr de la victoire. Bien. Allons mettre des vêtements secs et retrouvons-nous dans la bibliothèque. Vous me raconterez tout. J'ai fait un rêve cette nuit, monsieur. Thornfield Hall n'était plus qu'une ruine branlante. Il ne restait de sa somptueuse façade qu'un mur unique, fort élevé et très fragile. En m'éveillant, je fus éblouie par la clarté d'une bougie. Un chandelier se trouvait sur la toilette, et la porte de la penderie où j'avais accroché ma robe de noces et mon voile était grande ouverte. J'entendis un froufrou qui venait de ce côté-là. « Qui est là? Que faites-vous ? » Personne ne répondit, mais une forme humaine surgit de la penderie, prit le chandelier, l'éleva au-dessus de sa tête et se mit à examiner les vêtements accrochés au porte-manteau. Dressée sur mon lit, je me penchai en avant. La surprise, la stupéfaction s'emparèrent de moi. Ce n'était pas Mrs. Fairfax ni Léa. Ce n'était pas même... Non, j'en suis absolument certaine. Ce n'était pas Grace Poole. La figure qui se dressait devant moi n'avait jamais paru à mes yeux auparavant dans l'enceinte de Thornfield Hall. Sa taille, sa silhouette, tout était nouveau pour moi. Décrivez-la-moi, Jane. Elle paraissait grande et large d'épaules. D'épais cheveux noirs fort longs tournaient sur son dos. Avez-vous vu son visage? Pas tout d'abord. Mais bientôt elle prit mon voile, le souleva, le contempla longuement, puis le jetant sur sa tête, elle se tourna vers la glace. J'aperçus alors son visage. Comment était-il? Effrayant, fantastique. Édouard, je n'avais jamais vu une figure semblable. Quel air farouche! Je voudrais pouvoir oublier ses yeux rouges, ses traits gonflés, ce teint sombre. Tout en elle me rappelait, Vous le dirai-je ? Dites. Le spectre effrayant des légendes germaniques, le vampire. Et que fit-elle ensuite ? Elle a défait mon voile qui entourait sa tête décharnée, et, le déchirant en deux, l'a jeté à terre et l'a piétiné avec rage. Ensuite ? Elle a pris le chandelier et s'est dirigée vers la porte. Mais arrivée au pied de mon lit, elle s'est arrêtée. Ses yeux flamboyants se sont fixés sur moi. Elle a approché la bougie de mon visage et l'a éteinte devant mes yeux. J'ai vu luire sa face congestionnée tout près de la mienne. J'ai perdu connaissance. Qui se trouvait près de vous quand vous avez repris connaissance ? Personne. Seulement il faisait grand jour. Je me levais, et sentant que malgré ma faiblesse, je n'étais pas malade, je résolus de ne faire part de cette vision étrange qu'à vous seul. Il me faudra vous entourer de soins, mon trésor. Des nerfs délicats comme les vôtres ne sont pas faits pour supporter de violentes émotions. Monsieur, mes nerfs ne sont pas en cause, soyez-en sûr. J'ai vu une créature de chair et d'os qui a réellement fait ce que je viens de vous dire. Et vos rêves antérieurs étaient-ils également réels ? Thornfield Hall est-il une ruine ? Sommes-nous séparés par des obstacles insurmontables ? Pas encore. Comment ? Le jour qui doit nous unir de façon indissoluble est déjà commencé. Des terreurs imaginaires ? C'est bien ce que je me suis dit en me levant. Mais sur le tapis, j'ai vu l'objet le mieux fait pour donner un corps à mes hypothèses, une réalité tangible à mes rêves. Le voile nuptial, déchiré en deux dans toute sa longueur. Dieu soit loué. Si quelque esprit malin vous a hanté cette nuit, il n'a détruit que ce voile. Qui sait quel malheur je pourrais avoir à déplorer. Maintenant, Janet, je vais vous expliquer la chose. C'était moitié rêve, moitié réalité. Une femme est entrée dans votre chambre, je n'en doute pas. Cette femme était Grace Poole, c'est plus que certain. Vous dites qu'elle est bizarre, et vous avez bien raison. Vous savez ce qu'elle m'a fait, et aussi ce qu'elle a tenté contre Mr. Mason. Vous étiez entre la veille et le sommeil quand vous l'avez vue entrer, ayant un peu la fièvre, du délire même. Vous lui avez prêté une apparence différente de la sienne. Un cauchemar, en somme. Le voile fut réellement déchiré en deux. Ce geste est digne d'elle. Pourquoi, me direz-vous, ai-je gardé jusqu'à présent cette femme sous mon toit ? Je vous le dirai un an et un jour après notre mariage. Mais pas à présent. Êtes-vous satisfaite, Jane ? Acceptez-vous mon explication de ce mystère ? C'est la seule qui soit plausible. Je préférerais que vous ne restiez pas seule cette nuit. Promettez-moi d'aller dans la nurserie. Vous pourriez partager le lit d'Adèle. Cela vaudrait mieux. Et fermez la porte à clé. Et maintenant, plus d'idées noires. Chassez tous vos soucis, Janet. Écoutez. Le vent est tombé. La pluie ne tambourine plus contre les vitres. Voyez quelle belle nuit. Eh bien, comment va ma Janet maintenant ? La nuit est sereine, mon âme aussi. Et vous n'allez plus rêver de séparation ni de tristesse, mais d'amour heureux, d'union bénie. Cette prédiction ne se réalisa qu'à demi. Je ne fis pas de rêve triste, mais je n'en eus pas non plus d'heureux, car je ne fermais pas l'œil de la nuit. Serrant Adèle contre moi, j'épiais le sommeil de l'enfance, si calme, si paisible, en attendant l'aurore du lendemain. Toutes mes énergies en éveil éloignèrent le sommeil de mes yeux. Pense à rien, Adèle. Rendormez. Dès que le soleil fut levé, je me levai aussi. Adèle s'attacha à moi de ses deux petits bras quand je voulus la quitter. Je l'ai détachée doucement de mon cou en l'embrassant. Et une étrange émotion me fit monter les larmes aux yeux. Je quittai l'enfant, craignant que mes sanglots ne troublent son repos. Elle était l'image de mon passé. Et lui, pour qui j'allais maintenant me parer, représentait mon avenir. Cet avenir adorable et cependant redouté. Nous sommes ici pour unir, par les liens du mariage, Mr. Edward Fairfax Rochester et Miss Jane Eyre. Je vous requiers et vous somme tous les deux de confesser s'il existe un empêchement à votre mariage. Car, soyez-en assurés, si vous êtes unis en dehors des lois divines, Dieu ne ratifiera pas votre union et le mariage sera nul. Mr. Edward Fairfax Rochester, consentez-vous à prendre cette femme, ici présente, pour seule et légitime épouse? Ce mariage est impossible. Je déclare qu'il existe un empêchement. Continuez. Je ne puis continuer sans m'assurer d'abord du bien fondé de cette déclaration. La cérémonie ne peut avoir lieu. Je suis en mesure de prouver l'exactitude de mes allégations. Il y a un empêchement insurmontable à ce mariage. Monsieur Rochester est déjà marié et sa femme est actuellement vivante. Qui êtes-vous ? Briggs, je suis avoué à Londres, St. John Street. Et vous prétendez que j'ai une femme ? Alors veuillez me dire des détails sur elle, son nom, sa parenté, sa résidence actuelle. Volontiers. Je déclare et suis prêt à prouver qu'Edward Fairfax Rochester de Thornfield Hall a été uni par le mariage à ma sœur, Berthe Antoinetta Mason, fille de Jonas Mason, négociant, et d'Antoinetta, son épouse créole, à l'église de San Fernando, Spanish Town, Jamaïque. L'acte de mariage a été dûment dressé sur les registres de la dite paroisse et j'en ai une copie entre les mains. Signé, Richard Mason. Si ce document est authentique, il prouve en effet que j'ai été marié, mais non pas que la femme ici mentionnée soit actuellement vivante. Elle était encore vivante il y a 3 mois. J'ai un témoin pour le prouver. Vous ne pourrez guère récuser son témoignage, monsieur. Alors produisez-le ou le diable m'emporte. Rien de plus facile. Il est ici. Mr. Mason, ayez la bonté de vous avancer. La femme est vivante. Et elle est actuellement à Thornfield Hall. Je l'y ai vue en avril dernier. Je suis son frère. À Thornfield Hall? C'est impossible. Il y a longtemps que j'habite dans le voisinage et je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait une Mrs. Rochester à Thornfield Hall. Non, certes. J'ai eu soin que personne ne la connaisse sous ce nom. En voilà assez. Messieurs, mes plans sont déjoués. Cet avoué et son client n'ont dit que la vérité. Vous dites, Mr. Wood, que vous n'avez jamais entendu parler d'une Mrs. Rochester vivante à Thornfield Hall. Mais vous avez prêté l'oreille au commérage qui court dans le pays, touchant une mystérieuse démente qu'on y garde enfermée et étroitement surveillée. Une sœur illégitime. Une maîtresse délaissée. Je vous annonce maintenant qu'il s'agit de ma femme, Bertha Mason, que j'ai épousée il y a 15 ans. La sœur du vaillant personnage ici présent qui tremble dans ses bottes et dont la pâleur nous montre le courage. Allons, Dick, n'ayez pas peur de moi. Bertha Mason est folle, messieurs. Depuis 3 générations, ils sont tous idiots ou déments dans leur famille. Sa mère, la créole, était non seulement folle, mais encore alcoolique. Je ne l'ai appris qu'après avoir épousé sa fille, car ils se sont bien gardés de me révéler leurs secrets de famille. Bertha, en fille respectueuse, a copié les travers de sa mère. Quelle charmante compagne que la mienne! Messieurs, je vous invite à m'accompagner jusqu'à la maison, pour y voir ma femme, la patiente confiée aux soins de Mrs. Poole. Vous verrez vous-même quelle espèce de créature on m'a fait épouser. Et vous jugerez si je n'avais pas le droit de briser ce contrat. ramener l'équipage à la remise, John. Je n'en aurai pas besoin aujourd'hui. Bien, monsieur. Bonjour, Mrs. Poole. Comment allez-vous? Et comment va votre pensionnaire aujourd'hui? Nous allons à peu près. Je vous remercie, monsieur. Ah, monsieur, elle vous a vu. Vous feriez mieux de vous retirer. Non, je ne resterai qu'un instant. Un petit moment seulement, Grace. Alors, monsieur, prenez garde. Pour l'amour de Dieu, prenez garde. Laissons-la, il vaudrait mieux. Allez au diable! Elle n'est pas armée. Et moi, je suis sur mes gardes. Non! Attention! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mrs. Poole, attachez-la! Voici ma femme. Et voici celle que je voulais prendre pour compagne. Voyez la différence. Comparez ses yeux limpides avec ses prunelles sanguinolentes. Ce visage avec ce masque. Cette ligne gracieuse avec ce tas informe. Jugez-moi, ministre de l'Évangile, et vous, représentant de la loi. Et souvenez-vous qu'on vous jugera du même jugement dont vous aurez jugé les autres. Partons maintenant. Il me faut enfermer mon trésor. Mrs. Poole, s'il vous plaît, voulez-vous bien m'aider à... Vous êtes à l'abri de tout reproche, mademoiselle. Je le sais. Votre oncle, s'il vit encore quand Mr. Mason retournera à Madère, sera heureux d'apprendre que nous sommes arrivés à temps. Mon oncle, vous le connaissez donc? Mr. Mason le connaît. Quand votre oncle a appris votre prochain mariage avec Mr. Rochester, il a fait part de la nouvelle à Mr. Mason, qui, douloureusement surpris, lui a dit ce qu'il en était. Je regrette de vous dire que votre oncle est maintenant alité et qu'il est probable, vu qu'il est très gravement atteint de consomption, qu'il ne s'en relèvera pas. Il ne pouvait donc se rendre précipitamment en Angleterre pour vous arracher au piège qu'on vous tendait, mais il supplia Mr. Mason de ne rien négliger pour empêcher l'accomplissement de ce prétendu mariage. Il lui recommanda de s'adresser à moi pour que je lui prête l'appui de la loi. J'ai fait diligence et je suis bien heureux de n'être pas arrivé trop tard. Mr. Mason, est-il utile de rester ici plus longtemps? Non, non, partons. Mademoiselle. Je m'enfermai aussitôt dans ma chambre, poussant le verrou afin que nul ne vînt me déranger. Je me mis, non pas à pleurer ni à me lamenter, j'étais trop calme encore pour cela, mais à défaire machinalement ma toilette de mariée, la remplaçant par la robe de lainage de la veille, que j'avais bien cru alors porter pour la dernière fois. Puis je m'assis, me sentant faible et lasse. Allongeant mes bras sur la table, j'y posai ma tête. Et je réfléchis. Je me retrouvais dans ma chambre comme auparavant, toujours la même en apparence. On ne m'avait pas frappé, ni brutalisé, ni fait aucun tort matériel. Et cependant, qu'était devenue la jeune fille d'hier? Où était-elle, cette radieuse Jane Eyre? Quelle existence, quel avenir pouvait-elle envisager maintenant? Bien loin d'ici, parmi des étrangers. adieu pour toujours. L'aube pointait. Les hautes grilles étaient closes, mais une petite porte n'était fermée qu'au loquet. Je sortis par là. J'avais quitté Summerfield. Il ne me fallait plus réfléchir. Je ne devais jeter ni un regard en avant, ni un coup d'œil en arrière. Je longeais des champs, des haies, des sentiers jusqu'au lever du soleil. Je pleurais toutes mes larmes en suivant mon chemin solitaire. J'allais, en proie au délire. Enfin, j'atteignis la route. Où allez-vous ? À Whitcross. J'en ai que 20 shillings. Ça ira, montez. Hey, hey, hey. Au bout de 2 jours de route, le cocher me déposa dans un endroit appelé Whitcross. Je ne possédais plus un shilling et, lorsque la diligence fut partie, je m'aperçus que j'avais oublié de prendre mon paquet dans le coffre. Il y était resté et il y resterait. Je n'avais plus rien. Whitcross n'est pas une ville ou un hameau. Ce n'est qu'une colonne de pierre posée au milieu d'un carrefour, avec 4 écriteaux placés à son sommet. La ville la plus proche était à 10 miles, la plus lointaine à 20 environ. D'après les noms, je compris que je me trouvais dans la région centrale du nord de l'Angleterre, où les vastes marécages alternent avec les montagnes. Aucun passant ne peuplait les routes qui s'étendaient, larges et désertes, taillées dans la lande. Je m'enfonçais dans la bruyère jusqu'aux genoux et, trouvant une sorte de caverne garnie de mousse, je m'y assis, puis m'y étendis pour la nuit. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. 7e épisode. Avec Julie-Marie Parmentier, Éric Herson-Macarel, Claude Aufort, Olivier Clavery, Philippe Bautier, Jacques Garcy, Sandy Boisard, Cécile Gérard, Jean-Claude Bonifay, Patrice Bornand. Et les voix de Sophie Doll et Manon Jusforgue. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet et le quatuor à cordes Cactus. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Moussin, Vivien Demeyer, Juliette Emmanuel.